L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisqu'on va faire une FAQ. Vous nous avez posé beaucoup de questions et on va y répondre et profiter pour vous annoncer nos projets pour le futur. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me! What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, plutôt bien, en vacances. Et toi, comment tu vas en cette période, je sais, très animée pour toi? Ouais, bah ça va bien aussi. Pas en vacances, mais plutôt calme en ce moment. Les Jeux Olympiques sont finis, donc un peu plus chill, on va pas se mentir. Mais bon, les Paralympiques arrivent, donc on va s'y remettre. Je suis très content de faire cet épisode. On a déjà fait une FAQ une fois. C'était il y a un moment déjà, on a plus d'auditeurs et d'auditrices maintenant, donc ça vaut le coup de le refaire, surtout que voilà, c'est les Jeux Olympiques, donc comme j'ai dit, sont terminés. Il y a beaucoup de changements dans le milieu du bad, mais aussi un peu pour nous, puisque je pense que c'est le bon moment. Et aussi, Benoît, je me suis fait la réflexion vraiment 10 minutes avant qu'on enregistre que ce mois-ci, en août 2024, notre podcast fête ses 4 ans. T'imagines ? C'est ouf. C'est un truc de ouf, je trouve, quand même. Si on nous avait dit qu'on tiendrait 4 ans déjà, j'aurais pas forcément cru. Ouais, bah c'est clair que c'est bon. Alors en fait, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est juste c'est une aventure un peu folle. Et ouais, on est toujours là 4 ans plus tard. Il y a des changements, on va en parler. Il y en a déjà eu, il y en aura encore, mais je pense que tant qu'on nous on s'amuse et on sent que on est quand même un peu écouté, et surtout on arrive à, je sais pas, c'est toujours aussi intéressant de notre côté, on a envie de continuer. C'est clair. Donc, bah, merci beaucoup déjà que vous nous écoutiez depuis 4 ans ou 2 semaines. Ça nous fait très très plaisir. Effectivement, avec Benoît, on s'amuse toujours autant à faire ça. Donc, on va continuer. A priori, il y a pas de raison. Mais bon, on a tenu une Olympiade déjà. C'est déjà énorme. Voilà, donc vous nous avez envoyé des questions qu'on a classées en deux catégories. En gros, tout ce qui concerne le podcast et nos projets avec 21 Shuttle, donc qu'on va faire au début, et après des questions qui concernent plus le circuit, nos joueurs préférés, etc., qu'on a mis à la fin. Donc si jamais 21 Shuttle vous intéresse absolument pas, mais que vous avez quand même envie de savoir la paire de double dames préférée de Benoît, et ben vous pouvez aller dans la deuxième partie de l'épisode si vous êtes sur YouTube ou autre. De toute façon, c'est dans la description. Voilà, et on va en profiter donc pour parler de nos projets en général. Benoît, est-ce qu'on va faire un épisode, un point sur les choix de carrière post-JO, nous demandons. Je précise que j'ai pas noté qui a posé quelle question à chaque fois, j'ai tout anonymisé, mais j'espère que ça en intéressera le plus grand nombre de toute façon. Donc voilà, Benoît, un épisode sur les choix de carrière des différents joueurs et joueuses post-JO, puisque, comme je l'ai dit, des changements, il va en avoir dans le monde du bad après ces jeux. Bah, sans doute même plusieurs épisodes, Ewan, parce que on a parlé de beaucoup de changements, des arrêts de carrière, des changements même de stratégie pour certains pays, comme on le voit après chaque Olympiade. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler, et ça va. En fait, ces choix de carrière post-JO, ils vont amener peut-être plusieurs épisodes sur plusieurs mois, parce que il y aura des épisodes hommage, il y aura des épisodes choix de fédé, il y aura des épisodes choix de joueur. Enfin, je pense que en fait, c'est la fin d'un cycle aussi pour les joueurs, une Olympiade, et voilà. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter, mais je pense qu'il y aura plusieurs épisodes, ouais. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on attend un peu, parce qu'il faut que ça se décante, évidemment. Les annonces, il y en a déjà beaucoup qui sont arrivées. Il y a des fins de carrière qui avaient été annoncées avant les Jeux, donc ça, on le sait, mais il y en a encore qui arrivent. Typiquement, un exemple qui me vient en tête, Carolina Marin, on sait pas ce qu'elle va faire encore. Je sais même pas si elle sait ce qu'elle va faire. Mais il y en a beaucoup dans ce cas-là. Là, il y a des paires qui se séparent, des paires qui se forment. Donc, on va attendre un petit peu pour faire le point. Je pense que le Japan Open qui arrive sera un peu l'occasion de voir déjà les premiers changements à l'œuvre, là, surtout sur les nouvelles paires de doubles. Mais on va attendre un peu. Mais oui, on va le faire. Et certains joueurs et surtout certaines joueuses, dont deux que j'ai en tête, feront sûrement auront sûrement un épisode spécifiquement dédié à elle, typiquement Tight Swing, qui a dit qu'a priori elle irait jusqu'à la fin de l'année. On fera un épisode spécifique. Si Carolina Marin arrête sa carrière, on fera sûrement un épisode spécifique. Voilà, donc on fera un épisode, on attend un peu d'être un peu plus au clair sur les différentes situations, et ensuite, bien sûr qu'on va faire cet épisode. Benoît, des projets en relation avec d'autres médias ou avec des instances fédérales sont-ils envisagés, notamment sur des événements spécifiques ? Je peux répondre à une partie, je te laisserai volontiers l'autre. En fait, on a des projets, on a déjà fait avec la Fédé aux IFB, notamment il y a 3 ans maintenant. On a fait maintenant quasi tous les 3 gros tournois français, puisqu'on a fait Nantes, Orléans et les IFB, pas sur la même année, mais on l'a fait. On a des projets de ce type. On a des projets avec d'autres médias. On a déjà fait, mais on prend quand ça vient, j'ai envie de dire. Et voilà, je sais pas, peut-être que tu as des compléments à ajouter, j'ai essayé d'être non, mais bref. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, notre récente interview d'Alex Tony avec Parlons Bad, nous en fait, c'est bien passé, le courant, je peux parler à notre nom tous les deux, Benoît, est très bien passé avec... Oui. Avec les 2/3 de l'équipe de Parlons Bad qu'on a rencontré, en tout cas. Donc, nous, on est évidemment trop chaud pour refaire des trucs avec eux ou avec d'autres médias bad. Là, pour l'instant, il n'y en a aucun que j'ai en tête là, mais oui. Et après, avec des instances fédérales, avec la Fédé, pourquoi pas, la Fédération Nationale. Après, si tu penses à la personne, je ne sais plus qui nous a posé cette question, mais si tu penses CODEP ou quoi, nous, on est toujours... On est toujours ouvert. Et d'ailleurs, petit appel, si vous faites partie d'une instance fédérale ou si vous êtes proche ou dans un bureau ou même d'un club, n'hésitez pas à parler de nous. Nous, on est plutôt focus niveau international, mais on est toujours chaud pour parler à l'échelle nationale. Et voilà, donc pourquoi pas faire des focus sur un club, sur une compétition nationale. Enfin voilà, on est toujours ouvert pour ce genre de projet. Nouvelle question, un avis sur les futures élections de la Fédé et la façon dont on souhaite ou pas aborder le sujet durant la saison, le changement de format d'élection, les listes qui vont s'y coller, etc. Tiens, je vais commencer, Benoît, tu rajouteras, mais de toute façon on en a parlé, donc je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. Pour être honnête, pour le coup avec Benoît, c'est pas du tout un sujet où on est calé. On sait vite fait comment ça marche, et pour rappel, pour ceux qui n'écoutaient pas encore, on avait interviewé chaque candidat à l'élection précédente, donc en 2020. Du coup, ce qu'on s'est dit, ce qu'on aimerait bien faire, c'est un épisode, entre guillemets, les élections à la fédération pour les nuls. Et quand on dit les nuls, on se met dedans avec Benoît. Et donc, recevoir quelqu'un, et là je lance un appel, si vous êtes sur le Discord ou pas, ou si vous écoutez, si vous êtes un peu calé sur le sujet, pas besoin d'être une encyclopédie, mais plus sur la manière dont se passe l'élection et les gros enjeux, on vous passe un appel pour que vous veniez faire un épisode avec nous, peut-être avec une ou deux d'entre vous, on pourrait faire un épisode, donc les élections pour les nuls, et ensuite refaire ce qu'on avait fait pour les dernières élections, c'est-à-dire recevoir chaque candidat ou candidate aux élections, en posant donc des questions que, par exemple, on pourrait vous faire participer sur le Discord si vous voulez poser vos questions à l'avance pour qu'on les transmette, etc. Ça peut être intéressant, puisque, voilà, je répète, on n'est pas calé, mais c'est quand même un sujet qui nous touche particulièrement. Donc il faut s'y intéresser, je trouve. Benoît, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la question. Non, rien à rajouter. Juste, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas encore décidé du format précisément, mais quoi qu'il arrive, on en parlera. Voilà. Si je ne me trompe pas, ça arrive à la fin de l'année, donc avec Benoît, on a un peu de temps pour se mettre d'accord, mais on en parlera, ça c'est certain. Benoît, je vais te poser cette question à toi, puisque c'est plus toi qui t'étais penché sur la question. C'est une question qui revient souvent. Le lancement de T-shirt 21 Shuttle, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en pense ? En vrai, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que si on juge que par notre envie, ça nous dirait bien de le faire, ça peut être cool. Maintenant, ça demande du temps, de l'argent, pas forcément dans la mesure où on n'est pas obligé d'avoir du stock dans un premier temps. Maintenant, ouais, ça demande du temps, ça demande aussi éventuellement de déposer un logo si on rend ça sérieux et pas juste à 10-15 personnes sur le Discord, parce que c'est comme ça que c'est né aussi. On a bien envie en fait de faire ce genre de truc, ou même tu vois, des stickers, des conneries du genre. Maintenant, voilà, c'est du temps plus que juste faire un podcast qui en demande déjà beaucoup, sachant que nous, bah voilà, ça, on fait autre chose aussi. Donc ouais, j'ai envie de dire du temps, mais oui, on y pense et on avance pas à pas. Je sais pas comment toi tu vois les choses. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que je comprends que ça va marcher pour beaucoup de questions. C'est vrai que ouais. Je comprends que pour vous, vous soyez pressé d'avoir des trucs et que vous pouvez penser qu'on fait rien ou qu'on n'avance pas. Pour le coup, je peux vous dire que Benoît le dira pas, mais je sais que lui, il y a passé du temps sur cette histoire de t-shirt et que on espère toujours pouvoir le faire. On aimerait pouvoir vous faire des t-shirts avec le logo 21 Shuttle. Je sais que, et ça d'ailleurs, je suis trop content. Je vois que certains du Discord, personnes qui se sont rencontrées par le Discord, vont jouer ensemble en tournoi. Je sais que c'est déjà arrivé même. Ouais. Donc nous, on adorerait évidemment que vous ayez des t-shirts 21 Shuttle, parce qu'en plus, c'est tout bénef pour nous, ça nous fait de la pub. Mais voilà, c'est un peu long, mais promis, ça fait partie des choses où avec Benoît on s'était dit bon, on laisse passer les jeux et après on s'y recolle plus sérieusement. Donc voilà, c'est dans nos idées, et promis, on va le faire. C'est dur pour nous de vous donner une temporalité, c'est juste ça. De nouveaux formats d'épisodes encore jamais faits. Alors ça, c'est une question assez large. Mais Benoît, je vais te lancer sur un format d'épisode qu'on ne fera plus, plutôt. Et on voulait, plus sérieusement, on voulait profiter de cet épisode pour vous dire que on a décidé avec Benoît pour cette saison, et on verra après, donc pour la saison 2024-2025, de ne plus faire d'épisodes sur le top 12. Donc que ce soit sur les équipes, le mercato et sur les différentes journées. Benoît, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Ouais, je te lancerai sur un sujet plus joyeux quand j'aurai fini ma tirade sur le top 12. Vas-y. Non, en vrai, on a décidé d'arrêter. Ça faisait plusieurs saisons. On avait changé de format pour le rendre plus attractif. Maintenant, on va pas réinviter des clubs comme on l'a fait. Ça aurait pas de sens de faire ça pendant 5 saisons parce que, bah, une fois qu'on a un peu parlé du fonctionnement de chaque club, ça va pas foncièrement changer. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que nous, bah, on va pas se mentir, avec ce format là on avait repris un peu de plaisir, mais il y en a aucun à parler du top 12 dans ce format là le format de compétition du top 12. Ouais c'est ça. On avait réfléchi à d'autres formats en collaboration justement avec des instances fédérales, ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais en tout cas dans le contexte actuel, dans la forme actuelle, nous, on a toujours fait ce podcast pour prendre du plaisir avec Ewan chaque dimanche quand on tourne. Et franchement, quand on arrive le dimanche et qu'on se dit ça saoule, on doit tourner le top 12 et qu'on n'a pas envie, bah franchement, on s'est dit qu'il valait mieux arrêter pour l'instant. Et voilà, mais c'est pas définitif. Et en plus de ça, on n'arrête pas le top 12 pour rien faire. On arrête le top 12, on a d'autres projets, que ce soit des sujets de fond, format classique qu'on a déjà pu faire, mais on a aussi d'autres projets de nouveaux formats. Voilà, non, t'as dit tout ce que je voulais dire, préciser que ça ne veut pas dire qu'on refera jamais de top 12, mais que pour cette saison, on va tester de ne pas le faire. Voilà, le côté absence de plaisir à parler top 12, ça veut pas dire que Benoît et moi on va plus jamais le suivre, parce qu'on connaît certains clubs, on connaît certains joueurs, on connaît beaucoup de dirigeants, donc on va, mais juste ne pas en parler, ça nous libère, bah mine de rien, ça nous libère 11 week-ends dans l'année, 11 épisodes, enfin de créneaux d'épisodes, donc pour nous c'est pas négligeable. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet top 12, n'hésitez pas à nous les poser sur le fait qu'on arrête. Peut-être que certains vont être déçus, peut-être que certains s'en fichent. Donc voilà, on verra ce qui se passe, et de toute façon on ne s'interdit pas d'en refaire, surtout si le format change de Top 12 qu'on nous a promis depuis quand même pas mal de temps maintenant. Mais du coup ça nous libère pour des nouveaux formats d'épisodes, et certains vont être... on va garder nos formats à l'audio classique, mais on aimerait développer un peu plus notre chaîne YouTube et en faire quelque chose un peu plus développé que juste poster nos épisodes sur YouTube comme on le fait actuellement. Donc de temps en temps, peut-être que certains week-ends, il n'y aura pas d'épisode sur les plateformes de podcast, mais plus une vidéo à la place. On aimerait, on verra si on arrive à s'y tenir. Mais dans les formats qu'on aimerait faire sur YouTube, on en a deux en tête. Je vais commencer par le premier, Benoît, et après je te laisserai sur le deuxième. Un format que j'ai très hâte de faire, que je vous présenter tout de suite, ce format s'appelle « On devine vos classements ». Vous l'avez peut-être déjà vu, puisque on l'a piqué à... Moi, en tout cas, j'ai eu l'idée en voyant Remly Tennis, je ne sais pas si vous le suivez, mais qu'il avait lui-même pris à d'autres sports. J'ai vu que ça se faisait dans le tennis de table, ça se fait dans beaucoup. Je ne l'ai pas encore vu au BAD. Donc ça va être l'occasion. Le concept c'est quoi? C'est que vous nous envoyez des vidéos de vous qui jouez au BAD, donc ça peut être à l'entraînement ou en compétition, mais il faut que ce soit en contexte match, un extrait qui est, il faut qu'on puisse juger, donc au moins long de, je sais pas, 20-30 secondes minimum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces épisodes, ces vidéos, et deviner vos classements. Devinez si vous êtes P10 ou N3 ou au milieu ou P12, j'en sais rien. Ça va être très très drôle. Je peux vous dire que j'ai profité de la dernière fois que j'ai vu Benoît, c'est-à-dire à Nantes, pour lui faire un mini test avec une vidéo trouvée au pif sur internet. Je vous spoil pas s'il avait juste ou pas, mais sachez que je suis parti en fou rire pendant 5 minutes. Alors que t'étais malade. Alors que j'étais malade, mais je crois que ça m'a même... Benoît, je vais pas te mentir, après ça m'a remis bien. Je pense que depuis je suis en bonne santé. Donc j'ai très très hâte. On va mettre un message sur le Discord, plus précisément sur comment vous nous envoyez la vidéo, etc. Mais sachez que ça arrive. Et j'ai, depuis qu'avec Benoît on en a parlé, on a tellement hâte de le faire, on attendait que les JO soient passés, on en fera peut-être plusieurs, peut-être une seule, on verra, mais voilà, ça va être incroyable, je pense, j'espère en tout cas, si on arrive à bien le faire. Et donc ça, ce sera sur YouTube, puisque vous devez voir les vidéos forcément avec nous. Et Benoît, un autre format qu'on voulait faire sur YouTube, ça rejoint une autre question qu'on avait eue, c'était une rubrique tactique de quelques minutes dans le podcast. Alors non, on ne va pas faire ça, je pense, mais ça nous a amené un peu une autre idée. Ouais, on ne va pas le faire parce que très clairement, on se sent moyennement légitime à le faire, en vrai. On est capable de le faire de manière large et générale, mais pas très spécifiquement. Et du coup, au lieu de 5 minutes par épisode débrief, ce sera peut-être des épisodes plus ponctuels. Je ne sais pas à quelle fréquence et combien de fois par an, je ne peux pas vous le dire. Mais potentiellement avec des invités, entraîneurs, coachs réguliers ou pas, entraîneurs peut-être de l'équipe de France. Enfin, en tout cas, on a des idées déjà. Et éventuellement sur des matchs de légende ou nous, des matchs qui nous ont marqués tactiquement, mais qu'on n'est pas forcément capable d'analyser dans les moindres détails. Et du coup, voilà, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on se verrait faire ça un peu pour développer aussi notre chaîne YouTube et utiliser les matchs en vidéo, parce qu'en audio, c'est sympa d'analyser, mais c'est vrai que quand on met ça sur les images, ça peut être encore plus intéressant. Voilà, donc je sais que ça nous a été beaucoup demandé, pas forcément juste là, mais déjà par le passé. Donc Benoît a très bien résumé. On peut pas toujours pas vous dire combien on va en faire, mais on va en tester un déjà, puis on verra avec quelqu'un d'un peu plus calé que nous. Pouvez-vous développer plus de contenu avec une aide des Discordeurs? Alors pourquoi pas. Je sais que ça vous a plu, a priori, les épisodes previews sur les Jeux Olympiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait 5 épisodes, un sur chaque tableau, où à chaque fois, il y avait avec nous entre une et trois personnes. Donc, qui est sur le Discord, donc auditeur, auditrice, et qui apportait un peu son avis. Je pense pouvoir dire, Benoît, que même si c'est un peu... j'allais dire fatigant pour nous. Après, on n'était pas obligé d'en tourner deux par soir et on les a tournés sur quatre jours. Donc ça peut jouer aussi, mais oui. C'est plus difficile à organiser pour nous, plus difficile à monter, plus beaucoup de choses. Mais je pense pouvoir parler pour nous deux, Benoît, en disant qu'on a adoré faire ça. Franchement, c'était la première fois, je pense, et franchement, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. On a adoré. Enfin, quand on le disait, c'était pas juste de par politesse, on le pensait. Maintenant, si ça se fait pas régulièrement dans ce format-là, tous les contenus dont on a parlé, c'est aussi avec votre aide. Quand tu dis on va faire des vidéos YouTube où on analyse, enfin où on devine vos classements et tout, on n'aurait jamais fait ça il y a 4 ans quand il y avait nos deux pères qui nous écoutaient. Enfin, ça va parce aussi. Parce qu'on connaît déjà leur niveau, ça aurait pas été marrant. Ouais, voilà. Et puis on aurait sans doute pas, enfin on aurait rigolé de les voir, mais peut-être pas de deviner leur classement parce que ça aurait été très vite. Sévère mais juste. Sévère mais juste. Désolé si vous nous écoutez tous les deux. Non mais enfin, je veux dire, ça va aussi avec les libres antennes aussi. On en refera sans doute parce que ça, pour le coup, c'est pas des épisodes qui restent dans la durée, mais ça permet aussi de discuter entre nous et entre vous surtout. Et puis aussi, enfin, je pense que c'est le moment d'en parler aussi, mais on avait réfléchi à faire un quiz éventuellement, et ça aussi c'est permis aussi par le Discord. Donc c'est pas du contenu purement épisode audio qui va sortir comme on l'entend avec notre podcast, mais en tout cas ça va créer peut-être plus de contenu, et c'est aussi permis par le Discord. Voilà, donc bah Benoît t'as dit exactement ce que j'allais ajouter, c'est que des épisodes quiz où on invite des auditeurs pour leur poser des questions bad et voilà, faire des petits jeux, ça pourrait être cool, et ça fait partie de nos projets aussi, donc voilà. Une question qui revient aussi très souvent, Benoît, des commentaires sur des matchs importants. Bah tiens, je vais la prendre pour moi celle-ci, ouais, au moins pour le début. Simplement, c'est nous déjà. C'est pas notre domaine de base. On est très chaud pour le faire. Ça, c'est les deux trucs à retenir. C'est que forcément, nous, moi, par exemple, qui adore critiquer les commentateurs et sur tous les sports, dont le bad, je sais que si jamais je le faisais, je serais largement pas mieux et même largement moins bien. Avec Benoît, on est très chaud, mais il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que bah, pour commenter des matchs, il faut les droits déjà. On aimerait bien commencer un peu bas avec des plus petits tournois, mais c'est pas forcément facile parce que parfois ils ont déjà des gens, ou alors ils le font pas parce que bah, c'est de la technique quand même, faut pouvoir les filmer et mettre un commentaire par-dessus. Ce qui serait, et en top 12 par exemple, on a bien vu que c'était pas possible, c'est aussi pour ça qu'on en va plus traiter la compétition cette année. Ce qu'on pourrait faire par contre, c'est ce que je me suis dit, et ça dépend de vous si vous êtes chaud, c'est par exemple sur un gros match typiquement. Sur par exemple la finale des mondiaux, s'il n'y a pas de commentaire en français nulle part, on pourrait peut-être le commenter dans notre coin et après vous le synchroniser avec votre match, puisque nous de toute façon on ne peut pas le diffuser. Donc ça dépend de si vous êtes chaud, mais ça en tout cas c'est faisable. Et après Benoît, commenter, je te lance là-dessus, c'est un de nos buts à long terme, mais c'est difficile d'y rentrer on va dire. Ouais, on a essayé de pousser les portes qui étaient même pas forcément entrouvertes. On continuera de le faire parce qu'on n'a jamais rien lâché, ouais. Très clairement. C'est plus des, on a déjà essayé... murs que des portes, mais... ouais, voilà. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, parfois, ça nous a frustrés, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse. Et on l'a déjà un peu fait. On a déjà fait des maquettes. Enfin bref, c'est un truc qui, à long terme, on a envie de le faire. C'est un monde très fermé. Mais c'est normal, faut faire sa place aussi. Et en fait, c'est pas notre domaine de base, mais c'est quand même un truc qu'on a vraiment envie de faire tous les deux. Voilà, très très clair. Est-ce qu'on va faire du merchandising? Alors là, c'est un peu différent des t-shirts puisque, enfin, c'est pas là, c'est plus vendre des trucs avec le logo 21 Shuttle ou avec nos têtes, non peut-être pas quand même. le cauchemar. Moi j'ai hâte. Benoît, qu'est-ce que t'en penses de ça? Que si ça arrive, ce sera à beaucoup plus long terme. Aujourd'hui, on fait pas le podcast pour ça. Tout ce qu'on développe, en tout cas, pour l'instant. Nous, on a des tafs à côté, on n'a pas pour projet, j'ai envie de te dire, de faire de l'argent avec ça. Si on lance des trucs pour faire de l'argent, enfin non, pas, je refais. Si on lance des trucs qui rapportent un peu d'argent, c'est parce que c'est des projets qui nous tiennent énormément à cœur. Faire du merchandising, c'est ni ton domaine ni le mien. Si on fait ça un jour, on s'entourera sans doute aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dis pas que ça, on le fera jamais, parce que je pense qu'il y a des trucs qui nous chauffent et tout, mais on n'a pas du tout les compétences pour faire ça. Et là, tout de suite, c'est pas un projet à court ou moyen terme. Voilà, si c'est ça en fait. C'est, on fait pas du merchandising, enfin, on en fera pas pour le faire. C'est plus si on a, voilà, si on a une idée cool, un peu comme les épisodes en fait. Si on a une idée cool qui nous vient et qu'avec Benoît on est tous les deux chauds, on le fera. Mais voilà, effectivement, c'est pas notre domaine. Et bah, vous devez savoir que on fait un podcast sur du badminton, c'est donc qu'on déteste gagner de l'argent. Hein. Je pense qu'on a fait le pire, on a fait le pire choix possible. Hein, donc notre but, c'est de bien ne pas faire un centime avec cette affaire. Non, non, ça c'est une blague, mais. Voilà, pourquoi pas tout de suite. Mais je te relance, j'en profite un peu, on va pas aller trop loin sur le sujet, mais je dis que on va pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mais on a un projet qui effectivement pourrait être vendu un jour, et c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on fait n'est pas gratuit, mais on le fait parce qu'on kiffe et pas dans un but de faire de la moula, comme disent les jeunes. Oh là là, je tourne avec un véritable jeune. ouais, non, totalement. J'ai pas grand chose à rajouter. Pour moi, les t-shirts, c'est un peu différent parce que là, pour le coup, c'est un truc plus perso. Et ça, pour le coup, c'est une idée qui nous chauffe pour que vous les ayez en tournoi. Mais le reste, par exemple, bon, tu vois, je me vois pas lancer un porte-clés 21 Shuttle, par exemple. Voilà. Je me sentirais un peu coupable de vous vendre un logo qu'on a fait en 5 minutes pour poster notre premier épisode il y a 4 ans. Voilà, fabriqué en Chine. C'est clairement pas le but. Un troisième journaliste récurrent pour compléter le duo. Alors déjà, nous appeler journaliste, c'est gentil. Ou alors, la personne voulait dire un premier journaliste pour nous rattraper, nous, parce qu'on est nuls. Je sais pas. Est-ce que c'est une manière gentille de nous dire qu'il faut quelqu'un pour relever la barre? Non. Non, bah c'est clairement pas le but, hein, Benoît. Je pense que je peux parler en notre nom à deux. Déjà que... On galère à s'organiser à deux. Et d'ailleurs, Benoît, je vais te lancer là-dessus. Il est possible qu'à partir d'octobre, on galère un peu plus à s'organiser encore. Oui, déjà qu'on galère, sans que vous le sachiez, typiquement aujourd'hui, hein, ça a été galère de s'organiser. Mais oui, certains le savent déjà, peut-être parce qu'ils ont posé la question en libre antenne ou quoi. Mais à partir de la rentrée, effectivement, il y en a un, moi, qui serai en l'occurrence en Asie et Ewan à Paris. Autant vous dire que pendant quelques mois, une dizaine en gros, on vous promettait déjà pas de sortir les épisodes tous les lundis matins, mais on vous le promettra encore moins, ça c'est sûr. Voilà, il y aura des opportunités peut-être avec le fait qu'on soit aussi éloigné et que je sois nazi, mais effectivement ça va tous les deux nous amener à faire évoluer la façon dont on poste les épisodes, dont on les tourne. On continue, il n'y a pas de sujet, si vous avez écouté les 10 premières questions, vous l'aurez compris, mais voilà, ça, disons que voilà, on va devoir faire évoluer notre façon de travailler. Voilà, c'est pour ça qu'on avait une question, oui non, juste je finis du coup, vas-y. Galère déjà, non mais tu fais bien de le dire. On galère déjà à s'organiser à deux. On va pas le faire à trois, surtout qu'avec Benoît, bah, on a notre petite dynamique et tout. Donc, on est tout le temps content de recevoir d'autres personnes avec nous, mais pas régulièrement. Je pense que l'équipe de base, ce sera les bras cassés, Ewan et Benoît. Mais le fait que tu partes en Asie, Benoît, ça répond aussi à une autre question qui s'appelle « Rencontre avec des membres de 21 Shuttle ». Et qui est une question... Avec le membre de 21 Shuttle, du coup, ce sera... effectivement, non, mais on en parlait encore juste avant avec Benoît. Organiser une rencontre avec un peu plus... Un truc vraiment organisé, pour le coup, pas juste quand on croise certains ou certaines d'entre vous sur des compétitions, même si ça, on est toujours très content de le faire, que ce soit sur des compétitions... internationales ou qu'on couvre, ou alors les compétitions qu'on joue. Je me souviens, par exemple, avoir croisé un d'entre vous, dont j'ai oublié le prénom, juste après une défaite où j'avais fait 2 heures de route pour perdre en 20 minutes. Et ben, il y a quelqu'un un auditeur qui m'a interpellé après. J'étais très content de lui parler, pour le coup. Non, mais organiser quelque chose vraiment, Par exemple, un tournoi avec que des gens, auditeurs, auditrices de 21 Shuttle, c'est un rêve pour nous. C'est un rêve, et on se disait, pas forcément irréalisable. Mais tant que Benoît est en Asie, pour le coup, irréalisable, donc on va attendre un peu. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est, et ça a déjà été évoqué dans le Discord, c'est par exemple s'inscrire beaucoup de gens du Discord ou qui écoutent le podcast à un même tournoi, a priori plus en région parisienne, mais pourquoi pas autre part, pour se rencontrer, faire des paires entre nous, et se supporter les uns les autres, et entre le temps d'attente entre les matchs, puisqu'on sait que si vous faites des tournois, vous savez qu'il y en a beaucoup, et ben pouvoir échanger entre nous, ça c'est très cool aussi, et beaucoup plus faisable, et je vais me pencher sur la question dès la rentrée, sur le Discord, peut-être créer un canal avec toutes celles et ceux intéressés, et trouver un tournoi où tout le monde, enfin où beaucoup de gens peuvent aller, et faire ça. Ça, ce serait la première étape, et ensuite, un tournoi, pourquoi pas. Ou aussi, je me suis dit, Benoît, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais par exemple, sur des IFB ou sur un peut-être au Mondiaux 2025, on ne sait pas, vu que je rappelle que c'est à Paris, peut-être un truc, tourner un épisode en live aussi, ça pourrait être très très cool. Même si il y a quoi, 5 ou 10 personnes avec nous, je m'en fiche, ça pourrait être très très cool aussi. En tout cas, voilà, on ne manque pas d'idées, et on va essayer, parce que, Benoît, je te lance là-dessus, mais je sais que tu es d'accord avec moi, c'est un des trucs qui nous ferait le plus plaisir, parce qu'on est toujours trop content de vous voir. Ouais, clairement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais carrément dans ton sens. De toute façon, on fait de plus en plus de trucs, et la plupart des trucs dont on a parlé, c'est aussi des contenus nouveaux avec plus que nous, en fait. On essaie vraiment, enfin, on a vraiment envie, un, de vous intégrer, un, de faire plus de trucs collaboratifs, et voilà. Et clairement, ça en fait partie. Voilà, et on l'a pas dit aussi, mais on va toujours faire les épisodes qu'on fait, toujours on aimerait bien refaire des badminton stories, toujours des interviews, et on aimerait bien faire aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur YouTube, des interviews de joueurs ou joueuses étrangers, donc en anglais, et qui seraient sous-titrés, donc ça par exemple, ça se passerait que sur YouTube, donc voilà, ça n'avait pas de rapport avec la question auxquelles on répondait, mais j'y pense, puisqu'on va changer de catégorie, donc voilà, ça c'était toutes les questions sur nos projets et ce qui va se passer avec 21 Shuttle, donc pas mal de changements mine de rien, comme vous avez pu le constater. Si jamais vous n'avez pas posé votre question à temps, ou que en écoutant ce qu'on a dit, d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser directement sur Discord ou dans nos messages privés sur Instagram par exemple, on se fera une joie d'y répondre. On passe maintenant à la deuxième partie de ce podcast. Et pour toi, beauté, il reste ma spécialité. La sulfateuse. Quand Victor Axelsen, il a pas envie de jouer, il rentre à la plage. On n'est pas sur un district dans le département de la Corse, là. Enfin, à un moment donné, ça va deux secondes, quoi. Même la Malaisie a amené son équipe 2, puisque c'était Lidija qui était titulaire en simple homme. Yvonne Lee se mène éclatée au sol. Croyez en vos rêves, mais surtout ne croyez pas en Astrup Rasmussen. Voilà, cet épisode est bientôt fini, on va pas faire non plus trop trop long pour parler de nous, c'est pas non plus le but, mais on a eu quelques questions aussi dans le tas pour nous poser des questions sur le circuit, les joueurs et joueuses qu'on préfère, etc. Donc on va faire ça maintenant pour finir de façon un peu plus, ludique que ce qu'on a fait, puisque le but, la focus, ça reste le circuit. Benoît, première question, quel joueur français aimeriez-vous voir jouer ensemble en double dame, double homme et double mixte? C'est une bonne question, tu me mets tout de suite dedans. Ouais. En vrai, pour être très honnête, il y a des tableaux où je changerai absolument rien. Aujourd'hui, je pense qu'en double dame, on peut pas faire mieux que ce qu'on a avec Anne et Margot. Je pense qu'en double mixte, on peut pas faire mieux que ce qu'on a avec Tom et Delphine. Peut-être qu'en double homme, je tenterai des trucs. Maintenant, je sais pas à quel point. Enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire un épisode aussi, parce que je pense que la Fédé va bouger en France. Moi, je verrais bien Tom Jiquel, Tom Lalotte-Écarte, mais j'ai conscience aussi que c'est des trucs qui sont difficilement faisables, dans la mesure où ça demanderait à Tom Jiquel d'aller jouer sur des internationaux challenge. C'est pas faisable, il faut se le dire. Donc je sais pas quels sont les projets à la Fédé. Je sais même pas s'il y a un projet de faire deux tableaux pour Tom, mais effectivement, si je devais aller chercher des meilleures paires, j'irais faire jouer Tom Jiquel en double homme. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses, Ewan, mais il faut aussi rester rationnel sur ce qu'on pourrait voir. C'est vrai. Bah alors, justement, non. C'est marrant parce que moi, quand j'ai abordé cette question en la lisant avant, j'étais en mode plus mon fantasme que des trucs réalisables. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ok. Oui, mais sinon, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Mais si on va plus dans le fantasme, j'aimerais bien voir une paire Margot Lambert, Delphine Delrue. Une paire de double dames. Margot Lambert, Delphine Delrue. Ouais, ouais. Ok. J'ai pas souvenir de les avoir déjà vues jouer ensemble. Ah si, elles ont peut-être joué ensemble une fois sur une compète par équipe. Aux Europes. Ouais, ouais, aux Europes. Et ben, j'aimerais en voir plus. Et tiens, en parlant de paires qui a déjà joué ensemble sur des Europes, Tom Jiquel et Tommy Popov. J'aime beaucoup cette paire et j'aimerais la revoir, pourquoi pas. Sur le circuit, j'y crois pas trop, honnêtement. Mais voilà. Double mixte, là, il n'y a rien qui me vient. Je pense qu'effectivement, on a beau parfois être déçu par la paire Jiquel-Delrue. Je pense que c'est largement ce qu'on peut faire de mieux en France. Ouais, comme toi, j'ai pas de paire rêvée ou que je vois mieux que celle-ci, par exemple. Donc, je pense que dans cette paire, il y a notre meilleure joueuse de mixte et notre meilleur joueur de mixte. Donc, c'est compliqué de faire autrement. Celle-là, Benoît, ça va plus être pas vraiment du fantasme, mais voilà, du pur badminton fiction. Quelle paire donc de mixte composée d'un joueur de simple homme et d'une joueuse de simple dame serait la meilleure en double? Très très intéressante comme question, Benoît. Je sais pas si on peut y réfléchir ensemble, mais je sais pas si t'as des idées déjà. Ce serait pour faire un double mixte, du coup. Voilà, un double mixte. Ouais, c'est... En fait, ouais, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on privilégierait comme caractéristique d'un joueur de simple ou d'une joueuse de simple pour dire qu'elle serait forte en mixte? Alors, c'est autre chose que le double dame ou le double homme, en plus. Bah voilà, alors typiquement, moi, par exemple, tu vois, j'adore Akane Yamaguchi. Mais je sais pas si ça ferait une très bonne joueuse de mix, par exemple. En fait, je sais pas, c'est dur à dire, mais je trouve que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, si ta principale caractéristique c'est le déplacement, logiquement, ça fait pas de toi forcément, du coup, un très bon joueur de mix. Peut-être que je dis n'importe quoi, Benoît, mais tu vois, moi je suis un peu parti de ce raisonnement-là. Ouais, bah c'est clairement là pour le coup du bad fiction, parce que pour la plupart, on sait même pas comment ils jouent en double. Bah voilà, c'est ça. Moi, donc c'est dur. C'est très dur. Vas-y, dis-moi, chez les hommes, en regardant le top 10, ceux que je verrais bien jouer en double, ce serait Anton Sen pour l'intelligence de jeu, tu vois, genre un peu un joueur à la Tom Jiquel, tu vois ce que je veux dire, puissant, mais j'aimerais bien voir. Ou Lizidia, parce que au fond du terrain, il est assez monstrueux. Et chez les joueuses, je pense que c'est compliqué. Je pense que Tight Swing, si tu lui donnes juste le filet, elle peut jouer en mix, elle peut jouer jusqu'à 40 ans. Ouais, même Ratchano Quintanon, tu vois, une joueuse comme ça, voilà, j'aurais bien. Une joueuse très technique, en fait. J'allais dire Han Se-young, mais Han Se-young, elle fait tout très bien, donc c'est compliqué de voilà, mais ouais, une joueuse très très technique à la Intanon, à la Tight Swing, je pense que c'est ça que je mettrais en priorité, plus qu'une joueuse qui a des très bons déplacements comme une Yamaguchi ou une Yufei, ou une joueuse qui a de la patate comme Toon Young ou Marine. Voilà, je ferai ce genre de paire. Je sais pas, Benoît, si toi t'as d'autres idées. Non, je partage assez. En fait, c'est peut-être plus j'aurais des idées comme Tight Swing ou Intanon sur les filles. J'aurais plus de mal sur les gars, peut-être. Parce que je vois pas trop dans le top 10 qui aurait ce profil idéal pour jouer un double homme avec des caractéristiques un peu des joueurs actuels. En fait, je vois des mecs qui tapent très fort. Je sais pas trop. Peut-être un Lidia, mais encore, je suis pas sûr. Ouais, un Christy, pour moi, ça peut être un bon joueur de mixte à la Zheng Ziwei. Enfin, évidemment, toute proportion gardée, tu vois. Mais pour moi, il a ce qu'il faut. Évidemment, Axel Sen, mais bon, enfin, c'est pareil que Han Se-young, c'est des joueurs ou joueuses qui savent tout faire. Donc, c'est pas marrant de mettre Axel Sen, tu vois. Oui. Donc voilà, question intéressante en tout cas. Là, je vois en simple ce Thomas Junior Popov, lui, peut-être en double, peut-être avec son frère, ça pourrait être intéressant, je me dis, je sais pas, à tester en tout cas. Benoît, vos joueurs et joueuses préférés sur chaque tableau. Une question auquel je pense on a déjà répondu, mais c'était il y a longtemps et malheureusement, pour toi et moi, va falloir faire une actualisation bientôt. Va falloir changer, je te le dis. Là, je suis en train de faire un recrutement en simple dame parce qu'il y a une place qui se libère. Donc, en simple dame, on l'a dit il y a une semaine sur nos pour les JO, mais les infortunés tight swing pour toi, Carole Namarine pour moi. Ouais. Voilà. Et en simple homme, je me suis posé aussi la question au JO, Benoît, et je sais plus si je l'ai dit, mais il n'y a aucun mec qui me rend vraiment du rêve. Il y a des bons joueurs, mais il n'y en a aucun auquel je m'attache beaucoup. Donc j'aime bien Anton Sen plus pour le mec et ce qu'il produit sur le terrain, et Lizidia pour le côté spectacle, mais voilà, c'est les deux peut-être que je ressortirai moi. Ouais, c'est dur. Je sais pas, moi j'étais amoureux de Kento Momota. Donc c'est un peu dur là aujourd'hui de dire « Ah ben maintenant c'est lui, j'aime beaucoup Viti Tsarn ». Ce que j'allais dire, c'est celui qui s'en rapproche le plus peut-être, voilà. Viti Tsarn. Ouais, bah oui, je le pense. Je le pense maintenant, voilà, comme toi, je suis, parce que j'adore ce tableau maintenant, j'ai pas un joueur là tout de suite qui me fait kiffer, ça changera peut-être, mais là tout de suite, voilà. En double homme, moi j'aime beaucoup Ranki Radicetti. Ces dernières semaines c'était un peu dur, mais voilà où j'en suis. Benoît, toi, c'est quoi la paire qui te fait un peu. J'adore Hassan Setiawan aussi, qui sont encore actifs techniquement, ouais. Mais de moins en moins. Puis il y a beaucoup de nostalgie en jeu aussi, parce qu'Hassan Setiawan, on les a toujours connus. Toi, ouais. Benoît, c'est quoi la paire qui te fait rêver en double homme, s'il y en a une? Bah c'est dur aussi parce que j'ai eu les Minions, tu vois, pareil, c'est compliqué aussi derrière de passer à une autre paire sans sourciller. J'aime bien Strup Rasmussen en vrai, en les chambres et tout. Maintenant c'est quand même une paire, dès que t'allumes ta télé et que tu sais qui joue, en vrai tu te poses en te disant je vais pas m'ennuyer. Non, c'est clair. C'est clair. Et dans le côté spectaculaire aussi, c'est pas ma paire préférée, mais j'aime bien regarder Li Yang aussi, donc à un niveau moindre, ah, oui. Mais tu sais aussi qu'il va se passer quelque chose quand tu, carrément, quand ouais. quand tu la regardes. Le double dame, alors outre la paire française, franchement, Lambert Tran, forcément, qu'on aime bien, moi je dirais que dans le top 10, elles y sont revenues d'ailleurs, c'est Tantina, je pense, la paire qui me fait le plus rêver et que je préfère regarder jouer, voilà. Peut-être avec Rayu Ramananti en deux. Ouais, je comprends pour Tantina, j'aurais tendance à partager. Moi, Matsuya Mashida pour la science du bat japonaise. Et en double mixte, moi, je, ah. c'est difficile. Moi, de toute façon, ça s'est vu dans la preview où j'étais 100% mauvaise foi. Je pense Pavara Nukrota et Ratana Chai. Je pense que c'est ma paire de mix préférée. Ah, Zheng Ziwei et Wang Yakyong pour moi. Ce gars-là, j'aurais aimé le voir jouer sur deux tableaux pendant 15 ans parce que je l'adore. Mais je pense que sans Wang Yakyong, cette paire serait pas aussi forte aussi. Et ouais, franchement, moi j'adore cette paire, c'est facile parce que c'est celle qui gagne tout. Mais ouais, ils ont quand même un côté, c'est un bat que t'as envie de voir jouer quoi. Donc, vous l'avez entendu, Poivre Anukrote et Ratanachai pour moi et Cento pour Benoît. D'ailleurs, j'ai vu qu'on nous avait posé une question capillaire sur Cento aussi. Quelqu'un du Discord qui voulait se faire la même coupe blonde peroxydée. Franchement, si vous le faites, allez-y. Franchement, si vous le faites, on vous offre le premier item de merchandising 21 Shuttle. On vous l'offre, il est pour vous. voilà pour nos joueurs préférés. On nous posait une question sur l'évolution du scoring avant les prochains JO. Je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ça fait deux fois que la Fédé le tente, deux fois que ça ne passe pas. Je rappelle que la dernière fois, ça s'est joué à un vote au bureau de la BWF, donc très très serré. On a fait tout un épisode sur le sujet, donc si vous voulez notre avis. Spoiler, c'était pas ultra tranché avec Benoît, on n'était pas 100% décidé, mais cet épisode est toujours dispo, il date de quelques années maintenant, si ça vous intéresse. Donc, c'était, je précise, pour le passage en 7 de 11 points plutôt que 21 points, mais je pense que voilà, ça n'arrivera pas avant un moment pour notre sport. Et la dernière question, notre avis sur des nouvelles épreuves par équipe au JO, par exemple, comme au judo, au tennis de table ou en escrime. Pareil, je pense que ça n'arrivera pas. Et ben non, moi, je me faisais la réflexion, parce que par exemple, pour le tennis de table, pour que ça arrive, ils ont dû supprimer le double homme et le double dame. Et je pense que nous, au BAD, c'est des tableaux trop importants pour qu'ils les suppriment un jour. Et je me suis dit, ça m'intéresserait pas forcément de voir en gros une Sudirman Cup en plus, quoi. Mais par contre, je me suis dit, une compétition, tu sais, comme à l'escrime, ou sur un même terrain, par exemple, tous les 10 points, tu changes, tu vois. Par exemple, tu fais jouer les simples hommes pendant 10 points, après tu mets direct, tu gardes les scores et tu mets les simples dames, et après tu mets les doubles hommes, etc. Ça pourrait être vraiment très cool, je trouve, par contre. Ouais, bah j'ai exactement, tu vois, on s'en est pas parlé, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. J'ai rien à rajouter sur les nouvelles épreuves ou quoi, enfin c'est pas du tout un projet, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas de sujet pour Los Angeles en tout cas, le scoring c'est acté que ça passera pas, mais je suis d'accord avec toi, en fait si on devait créer une épreuve par équipe ou en tout cas une nouvelle épreuve, faudrait que ce soit un truc qui sort du commun, genre pas juste une épreuve par équipe, même si j'ai adoré au ping, c'est pas le sujet, ou j'adore à l'escrime, ou j'adore au judo, mais en fait je voudrais vraiment qu'on crée un truc... de toute pièce presque, avec ce que t'as dit, un nouveau scoring où on reprend les scores et on enchaîne, je sais pas exactement comment, mais tu vois, je pense qu'il faudrait aller créer un truc qui existe pas sur le circuit et qui est juste une épreuve olympique. Alors peut-être ça fait pas rêver parce que pas d'historique ou quoi, mais si on devait le faire, moi je voudrais que ce soit un truc qui sort de l'ordinaire. On fait pas une Sudirman, on fait pas une Uber, on fait pas une Thomas. Ouais, exactement. Je sais que par exemple, ils le font, Yonex, pour les événements Legends Vision. Alors, c'est différent parce que c'est pas du sérieux, mais avec l'équipe qui est juste sur une sorte de bande touche, juste à côté du terrain. Et surtout, c'est dynamique en fait, parce que les gens, ils entrent et ils sortent du terrain tous les 5-10 points. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà, je sais que l'ajout de l'épreuve par équipe au judo, c'est un succès, j'ai l'impression. Ça a très bien marché, il y a beaucoup d'engouement, surtout en France où pour l'instant on a gagné les deux. mais voilà, nous, ça pourrait, avec les contraintes et les avantages de notre sport, peut-être relancer un peu. Ce qui est compliqué, c'est que est-ce que le CIO va vouloir rajouter une médaille au badminton qui ira sûrement à des Asiatiques ? Je ne suis pas sûr, mais... ça pourrait être cool, voilà. En tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit à la fin. S'il faut le faire, il faut faire un truc différent et pas juste une Sudirman Cup, en gros, qu'on a déjà vu pas mal de fois. Voilà, c'était nos réponses à toutes les questions que vous nous avez posées. Merci de les avoir envoyées, parce qu'on en a quand même eu, pas mal, mine de rien. Donc voilà, encore une fois, si on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous l'envoyer directement, on y répondra à l'écrit. Et voilà, on est toujours content d'échanger avec vous plus ou moins directement. Benoît, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur n'importe quoi d'ailleurs. Non, j'ai pas grand chose à rajouter, juste voilà, encore une fois, insister sur le fait que les 11 épisodes de Top 12 ne rajouteront pas 11 semaines de vacances pour 21 Shuttle. Peut-être quelques-unes, c'est vrai, mais peut-être que ce sera aussi l'occasion de faire des sujets de fond qu'on veut traiter depuis pas mal de temps, des sujets que vous nous avez soumis, notamment pour ceux qui ont participé à notre cagnotte plutôt discrète qu'on a pu lancer il y a quelques années grâce à Caroline. Quelques années, je dis, mais c'est peut-être quelques mois, je sais même plus tellement... Quelques années, tellement, je pense, maintenant. On est vieux, Benoît. Tellement on n'en parle pas, mais voilà, on avait dit que pour remercier les généreux donateurs, on ferait des épisodes de fond. On en a fait quelques-uns de certains, mais c'est vrai qu'on n'a pas été au bout de nos promesses. Et ce sera aussi l'occasion de le faire avec ces 11 semaines qui se libèrent. Voilà ce sur quoi je voulais finir. Voilà. Et tiens, on n'en parle jamais de la cagnotte, on n'en reparlera pas. On en reparlera peut-être avant au moins 3-4 ans. Donc je dis, elle est pour cet épisode, je la mettrai dans la description de l'épisode. En fait, vous nous envoyez la somme que vous voulez. Si vous voulez nous soutenir un peu, souvent, je ne vais pas vous mentir, hein, parce que l'argent que vous donnez, ça va dans l'achat de micros, de choses comme ça, dont on se sert pour le podcast. Et en faisant ça, vous en profitez, c'est comme ça un peu le seul moyen de rétribution qu'on a trouvé, de proposer des sujets d'épisodes qu'on fait en essayant de le faire, en tout cas. Donc voilà, effectivement, comme l'a dit Benoît, les créneaux laissés libres par le top 12 vont nous servir à ça aussi. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode et merci d'avoir fait ces 4 ans avec moi. Je pense que t'es une des seules personnes qui arrive à me supporter depuis autant de temps, donc franchement bravo, félicitations. Bah, comme je le dis régulièrement, mais parce que je le pense, merci à toi, comme toujours, chaque dimanche où on tourne, ou même chaque milieu de semaine. Je pense que voilà, on l'a dit, mais c'est toujours un plaisir de le faire parce qu'on s'entend bien et que c'est des moments où on peut se retrouver aussi, parce que vous nous donnez la force et c'est pour ça qu'on vous remercie aussi. C'est vrai que je crois que pareil, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'on vous remercie à chaque, chaque fin d'épisode de manière assez, assez automatique, mais franchement, ça nous fait tellement plaisir de... Voilà, on faisait déjà ça quand on n'était pas écouté, et on le ferait peut-être toujours si on n'était pas beaucoup écouté, mais de voir que ça continue de monter et qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, ça nous fait incroyablement plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien vous rencontrer ou qu'on a envie de faire des épisodes avec vous, c'est que nous, on voit les chiffres, mais voir qu'il y a des vrais gens derrière, même si c'est évident, eh ben, ça fait quand même bizarre. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on va essayer de le faire de plus en plus dans le futur. Merci à vous de nous écouter encore une fois. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? La semaine prochaine, c'est le Japan Open, le Super 750. On est sûr de faire celui-ci. On verra après si on fait le Korean Open et le Taipei Open. Il y a aussi les Paralympiques qui arrivent et on aimerait faire un épisode là-dessus. Donc ça va quand même être une rentrée assez chargée. Et puis voilà, on verra on vous annoncera les épisodes à venir. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。